Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'influence d'un livre, le premier roman québécois. Le genre romanesque n'a pas bonne presse. Vous savez, même au temps de Balzac, tout le 19e siècle voit le roman se développer dans une série de discours de censure. Ah ouais. Et ici, il fallait quand même pas mal de culot. Il fallait la liberté de ce jeune fils de seigneur, n'est-ce pas, pour se lancer dans une pareille entreprise. Le spécialiste du roman québécois Jacques Allard à l'émission Le roman du Québec en janvier 1999, quand il se lance dans l'écriture de l'influence d'un livre, Philippe Aubert de Gaspé fils écrit non seulement le tout premier roman québécois, mais il ose aussi avec ce livre s'aventurer dans un genre qu'il expose effectivement à toutes les critiques et de fait, l'accueil réservé à son roman sera plutôt glacial au moment de sa publication en 1837. On considère que l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé fils est un peu, ça marque le début de la littérature québécoise. Pour vous, quelle est la valeur de ce premier ouvrage, M. Deschênes? Il a la valeur d'être le premier du genre. C'est évident que ce n'est pas un chef-d'œuvre d'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans ce roman-là, ce sont peut-être plus les circonstances qui lui ont donné naissance. Philippe Aubert de Gaspé fils est un jeune homme un petit peu turbulent. Il avait hérité certaines des qualités de son père à cet égard-là. Et il avait fait encore l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt par le sergent d'armes. Et il s'était sauvé à Saint-Jean-Port-Joli, au manoir de son père. Et là, chose curieuse, on s'y retrouvait avec le père et le fils, tous les deux réfugiés, si on peut dire, à Saint-Jean-Port-Joli, parce que le père lui-même était sous le coup d'accusations, de malversations, de fraude, en tout cas, disons de gestion un peu malhabile des fonds dont il avait la garde. Alors, les deux se sont retrouvés là l'hiver 36-37 et c'est là qu'on aurait composé ce roman-là à deux mains, disons, parce qu'il semble que le père ait participé à l'écriture du chercheur de trésors, l'influence d'un livre. L'historien Gaston Deschênes, au micro de Jacques Lacourcière à l'émission « J'ai souvenir encore » en décembre 1996, pour nous parler de l'importance du roman de Philippe Aubert de Gaspé fils, l'influence d'un livre, je reçois Claude Lacharité, qui est écrivain, qui est professeur de lettres et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est en 1837, donc, que Philippe Aubert de Gaspé publie ce roman, l'influence d'un livre. De quelle manière ce roman-là et en quoi est-il important? Quelle en est la valeur, pour reprendre l'expression qu'on vient d'entendre, Claude Lacharité? Oui, je pense que c'est un roman qui a une valeur symbolique forte d'abord parce que effectivement, ça marque le début d'une nouvelle littérature. Alors, bien sûr, on pourrait trouver d'autres œuvres qui ont été publiées avant, mais il reste que depuis au moins le 19e siècle, hein, le genre par excellence qui résume et subsume la littérature, c'est vraiment le genre romanesque. Et ça n'est donc pas du tout surprenant que dans notre propre histoire littéraire, on ait retenu le premier roman, celui que publie Philippe Aubert de Gaspé fils en 1837 sous le titre de L'influence d'un livre. Mais ce qui est aussi important, c'est que l'écrivain lui-même, l'auteur, donne à son roman une dimension programmatique. Hein? Oui. Il l'a sorti d'une préface où il exprime avec force un certain nombre d'idées importantes. Non seulement c'est le premier roman et il le dit haut et fort, il le revendique, mais en plus c'est un roman qui prétend inaugurer une nouvelle manière d'écrire de la littérature. Il dit vouloir rompre de manière ostensible avec la tradition du classicisme, avec les règles d'unité, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Il dit qu'il ne veut plus du tout imiter Molière, Corneille, Racine et qu'il veut plutôt s'inspirer de Shakespeare. Et derrière Shakespeare, ce qu'il faut comprendre, c'est évidemment Victor Hugo. Donc une ambition littéraire est clairement affichée, cette ambition. Exactement. Et je pense qu'il cherche en fait à adapter au Québec la révolution littéraire romantique qui a cours en Europe dans la même décennie. Alors, avant de poursuivre notre récit sur l'écriture de ce roman, sur l'importance qu'il aura aussi, l'influence d'un livre, un mot quand même sur son auteur, Philippe Aubert de Gaspé fils. On écoute à ce propos Georges Hébert-Germain en parler à Jacques Bertrand à l'émission La tête ailleurs en 2012. Quelques mots sur Philippe Aubert de Gaspé, qui était un surdoué, un personnage intéressant qui parlait aussi bien français qu'anglais. Sa mère était une Alison. Il était un noble et les Aubert de Gaspé étaient les seigneurs de Port-Joli, de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'était l'enfant terrible du journalisme, l'enfant terrible des intellectuels et de la politique au Bas-Canada. Et lui est mort à 27 ans possiblement, probablement même d'une overdose d'alcool. Étant père de, fils de nobles oui. et de seigneurs, il a pris parti contre les patriotes. Mm-hmm. Il a écrit des articles vitrioliques qui sont parus dans divers journaux, en anglais et en français. Mm-hmm. Il s'est embarqué dans des polémiques très dures avec O'Callaghan, qui était un ami de Papineau, mm-hmm. un député patriote. Ça s'est très mal passé. Il est allé lancer, c'était pas, on disait pas à l'époque une bombe puante, c'était de la safétida, sur le poêle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative, comme on disait à l'époque. Il est arrêté, il a été mis en prison. Donc, à 27 ans, il y avait derrière lui, il y avait déjà un bagage social très important. Donc, tout un numéro. Qui est-il donc, Philippe Aubert de Gaspé, fils Claude Lacharité? Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a eu une vie très courte, aussi rocambolesque que tragique. Hein? C'est d'abord et avant tout le fils de son père, comme le rappelait Georges Hébert Germain. Il est né à Québec en 1814 et effectivement, c'est un personnage haut en couleur ouais. qui est vraiment, je dirais, quelqu'un qui a une personnalité bien trempé. Alors, il commence sa vie comme journaliste. Il couvre effectivement les débats parlementaires à la Chambre d'Assemblée législative à Québec. Et effectivement, il va, disons, s'exposer à des reproches de la part de ce fameux député O'Callaghan. Et la manière dont réagit Aubert de Gaspé-Fils, c'est de le provoquer en duel. Or, évidemment, les combats en duel sont interdits à l'époque. Et O'Callaghan, plutôt que d'accepter le défi, va en fait porter plainte auprès des autorités. Aubert de Gaspé-Fils va être emprisonné. Et au moment où il va enfin être libéré, c'est un emprisonnement hein, de quelques jours seulement, il va décider de se venger, non pas simplement contre le député O'Callaghan, mais contre l'ensemble des députés, ouais. en mettant effectivement cette bombe puante. Et ce qui va l'obliger ensuite, bien sûr, à se retirer au manoir familial de Saint-Jean-Port-Joli. Et il va effectivement écrire son influence d'un livre... à Saint-Jean-Port-Joli, en compagnie de son père, en profitant sans doute aussi de la bibliothèque familiale. Et comme par la suite, évidemment, il est persona non grata à Québec, il va devoir poursuivre sa carrière de journaliste à Halifax, qui est l'autre grande capitale politique à l'époque. Et il va mourir prématurément, non pas à l'âge de 27 ans, mais de seulement 26 ans, en fait, en 1841, et à un moment où son propre père est incarcéré pour détournement de fonds. Donc, vous imaginez un peu l'histoire hein, de ces deux grands écrivains du 19e siècle, qui sont tous les deux en délicatesse avec la justice. Oui. L'homme dont nous parlons était d'une taille médiocre. Son vêtement, celui des cultivateurs du pays. Son teint livide et pâle, ses cheveux noirs et épars qui couvraient un beau front. Son œil brun, presque éteint dans son orbite creuse. Tout son physique annonçait un homme affaibli par la misère et les veilles. Il rassembla les charbons, les souffla et y posa un creuset contenant différents métaux. Et s'étant couvert la bouche d'un mouchoir, il se mit à l'ouvrage. Après un travail opiniâtre, qui dura près de 3 heures, il s'assit presque épuisé. Et contemplant la composition nouvelle qui se trouvait devant lui, il se dit à lui-même oh, « Travail ingrat, faut-il enfin que je t'abandonne ?» Ne me reste-t-il plus d'espoir? J'ai pourtant suivi à la lettre toutes les directives, ajouta-t-il en prenant le livre. Oui, étain, zinc, arsenic, vif argent, sulfate de potasse. Ah, s'écria-t-il en regardant de près, soufre, je l'avais oublié. Et il se remit à l'ouvrage. La comédienne Carole Châtel, lisant un extrait du roman L'influence d'un livre à l'émission Le roman du Québec en 1999, qu'a raconte donc l'influence d'un livre, Claude Lacharité? Alors, c'est le roman des tribulations d'un paysan pauvre de Saint-Jean-Port-Joli qui s'appelle Charles Amand. Comme il est pauvre, il cherche à s'enrichir en pratiquant la magie et l'alchimie. Et en fait, il tire ses recettes de magie d'un livre qui s'appelle « Le petit Albert hein, », d'où le titre du roman, hein, « L'influence d'un livre », le livre influent étant « Le petit Albert ouais. ». Sauf que malheureusement, quand il essaie de mettre en pratique ses recettes magiques, ben, il essuie échec sur échec. Alors, il essaie, par exemple, de sacrifier une poule noire pour faire apparaître le diable, et ça ne fonctionne pas. Ensuite, il va essayer d'utiliser des chandelles magiques pour trouver des trésors un peu partout, notamment à Baie-Saint-Paul, sur la Grève, parce qu'il croit, comme beaucoup de ses contemporains, beaucoup de Canadiens français au 19e siècle avaient cette croyance qu'il y avait des trésors un peu partout qui avaient été enterrés soit par les Français, soit par les Anglais sur les rives du Saint-Laurent. Et donc, là encore, il va en fait essuyer un échec, d'autant plus qu'il est en quelque sorte l'objet d'un canular de la part d'étudiants qui l'épient et en embuscade vont souffler sa chandelle magique avec une sarbacane. Et donc, le pauvre Charlemagne va se mettre à creuser, mais pour rien, pour ne rien trouver. Finalement, alors c'est un roman qui est plein de rebondissements et de péripéties, hein, en quittant Charlevoix pour rentrer chez lui en bateau, donc sur le fleuve Saint-Laurent, il va être fait prisonnier par un corsaire qui s'appelle Clan Ricard et qui va le retenir prisonnier et l'obliger à travailler sur l'île d'Anticosti pendant 5 ans. Alors, c'est pendant ce séjour qu'il va finalement enfin trouver le trésor qu'il cherche depuis tant d'années, mais c'est tout à fait par hasard. Alors, c'est un trésor de 500 piastres, comme dit le texte. Et puis, finalement, il réussit à échapper aux griffes de Clan Ricard, à rentrer chez lui. Il va donner sa fille Amélie en mariage à un jeune médecin qui s'appelle Saint-Séran, et ce Saint-Séran va lui offrir en échange une 20aine de livres. Alors, la fin du roman est un peu énigmatique et intrigante, puisque le narrateur nous dit que Charlemagne continue à lire le petit Albert, mais qu'il a renoncé à faire des conjurations. Autrement dit, il a renoncé à mettre en pratique les recettes qu'il trouve dans le petit Albert, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être sous l'influence des livres qu'il a lus et qui lui ont été offerts par son gendre. Alors, on revient un petit peu au fond à la question que soulevaient au tout début Jacques Lacourcière et Gaston Deschênes. Ça, c'est... Vous nous avez raconté un peu le récit de l'œuvre, de ce premier roman. Qu'est-ce que ça vaut, cela dit? En tout cas, comment c'est accueilli au moment où c'est publié ce livre-là, l'influence d'un livre? Alors, il faut dire que le contexte n'est pas très favorable. Hein. On est à la veille des révoltes des patriotes. Oui. Mais malgré ce contexte défavorable, il y aura quand même des critiques qui seront publiées dans les journaux. On a conservé au moins 3 comptes rendus. Alors, un compte rendu d'un certain Leblanc de Marconnet, qui n'a pas du tout aimé le roman, parce que justement, Aubert de Gaspé-Fils tourne le dos à l'esthétique classique. Oui. Or, pour ce lecteur, toute grande littérature est nécessairement classique. Donc, le choix fait par le romancier est-elle mauvais selon ce lecteur de 1837. Un autre critique qui s'appelle Pierre-André va dire, lui, qu'il a été très déçu par le roman parce qu'il met en scène un personnage qui n'est pas du tout représentatif des cultivateurs canadiens-français. La plupart des cultivateurs canadiens-français ne pratiquent pas la magie comme Charlemagne. Donc, c'est un mauvais roman dans la mesure où il serait, d'après ce lecteur, invraisemblable. Et enfin, un troisième et dernier exemple qui montre l'unanimité que fait contre lui ce roman en 1837, il s'agit donc d'une critique d'un certain J.P.B., dont on ne connaît que les initiales, qui lui, en fait, reproche en fait, au roman de ne pas proposer de lecture ou de leçon morale claire. En fait, en ouvrant le roman, il s'attendait à avoir une thèse qui encouragerait les lecteurs soit à éviter les lectures pernicieuses, soit au contraire à embrasser les lectures édifiantes. Et effectivement, hein, la morale du roman est très ouverte. Hein. On l'évoquait tout à l'heure en parlant de la conclusion qui est un petit peu énigmatique. C'est au lecteur lui-même, à sa faire sa propre opinion. Et toujours selon ce JPB, c'est un mauvais roman parce que c'est un salmigondi qui mélange fiction et histoire. Bon, une question qui est intéressante quand on s'attarde à ce roman, l'influence d'un livre, c'est de savoir à quel genre il appartient. C'est doublement intéressant parce que vous nous le disiez au tout début de l'émission, autour de la charité, il a de grandes ambitions de Gaspé. Il nous dit un peu ce qu'il veut faire au début de son livre avec cette œuvre-là, avec ce roman-là. Puis là, il y a peut-être une contradiction. Est-ce qu'il s'agit en fait d'un roman historique, comme l'indique le sous-titre, de l'influence d'un livre, ou alors d'un roman de mœurs, comme justement l'affirme son auteur dans la préface? Oui, c'est une excellente question. En réalité, c'est un roman qui est très difficile à classer. Hein? L'expression de salmigondi, sous la plume évidemment de J.P.B., c'est un reproche. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose que Philippe Aubert de Gaspé, fils, aurait accepté, puisque effectivement, c'est un roman qui est placé sous le signe du mélange. Hein? C'est à la fois un roman historique, puisque il s'inspire d'un fait divers sanglant de la chronique judiciaire de l'époque. En 1829, sur la Grève de Saint-Jean-Port-Joli, on avait retrouvé le corps d'un jeune commis voyageur assassiné. Et l'assassin a finalement été exécuté à Québec en septembre de la même année. Et alors, tout ça est évoqué dans le roman, entre autres dans le chapitre intitulé « Le crime ». Mais c'est aussi un roman historique du genre de ceux qui s'écrivent en Europe à la même époque. Par exemple, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié publié en 1831. Aubert de Gaspéfis est un grand lecteur. Il connaît très bien ses romans. Il connaît aussi les romans Dumas, par exemple. Et il cherche à transposer tout ça dans sa propre fiction romanesque de 1837. Mais c'est aussi un peu un roman de mœurs parce que c'est aussi un lecteur de Balzac. Hein. Il y a de nombreux échos intertextuels au Père Goriot, un roman que Balzac publie en 1834, qui est donc une nouveauté et d'une brûlante actualité en 1837. Or, Balzac lui-même a publié Le Père Goriot dans une série qu'il appelle Études de mœurs. C'est pour ça, sans doute, que Philippe Aubert de Gaspéfis voudrait que son roman soit aussi un peu un roman de mœurs à la manière de Balzac. Ouais. Enfin, on pourrait ajouter que c'est aussi un roman gothique. Hein. Michel Laure a bien montré que c'est un roman qui essaie de reproduire l'esthétique qu'on trouve dans des romans anglais de la fin du 18e siècle et français du début du 19e siècle, avec des ambiances un peu sombres, avec un peu de surnaturel, avec du macabre, avec des événements un peu sanglants. Donc, c'est tout ça à la fois. Je pense que c'est un roman qui est volontairement inclassable parce que Aubert de Gaspéfis a voulu résumer toutes les lectures qu'il avait faites à cette époque. Et elles sont, on le comprend bien en vous écoutant, Claude Lacharité, elles sont très nombreuses, ces lectures. C'est un grand lecteur, d'abord et avant tout, Philippe Aubert de Gaspéfis. De fait, et il cite de nombreux auteurs lui-même, donc dans son roman, beaucoup de références à d'autres auteurs. De fait, à quel courant littéraire on peut l'associer lui-même? Bien, en fait, sa préface montre très clairement l'influence de Victor Hugo. Hein, oui. Lorsqu'il rejette, par exemple, la règle des trois unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, en fait, il fait écho à une préface célèbre de Victor Hugo, à son drame romantique Cromwell, qu'il publie en 1827, et qu'il propose comme une sorte de modèle qui rejetterait l'esthétique classique, les règles d'unité, etc. Alors, ce qui est un peu, évidemment, surprenant, c'est que Aubert de Gaspéfis applique tout ça, non pas au théâtre, mais au roman. Oui. Or, même au 17e, au 18e siècle, on n'a jamais respecté de règles d'unité dans l'écriture de romans. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, disons, des contradictions du romancier, ce qui est certain, c'est qu'il veut montrer à ses lecteurs qu'il s'inspire de ses idées romantiques, qu'il cherche finalement à adapter au Québec et à faire traverser l'Atlantique à cette révolution littéraire romantique qui a cours en France dans les années 1830. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'Aubert de Gaspéfis est très clairement un romantique. Ouais. Son amour de la littérature, des romanciers qu'il cite, on la retrouve tout au long de cet ouvrage. Petit, hein, c'est pas si volumineux, de l'influence d'un livre. Puis il y a cette curiosité dans un si petit livre de retrouver autant de références à d'autres œuvres. Ça tient à quoi? Mais ça s'explique probablement par deux choses. D'une part, Aubert de Gaspéfis lui-même était un grand lecteur. C'était un lecteur vraiment vorace, boulimique. Leblanc de Marconnet, donc l'auteur d'un des premiers comptes rendus, nous a laissé un portrait très intéressant du personnage. Il nous dit que Aubert de Gaspéfis avait toujours à la main, que ce soit en bateau à vapeur ou à cheval, un livre oui. et qu'il lisait religieusement. C'est quelqu'un, par ailleurs, qui, semble-t-il, avait une très bonne mémoire au point de pouvoir réciter des poèmes entiers de Lord Byron, par exemple. Donc, je crois que tout ça transparaît dans l'écriture du roman. Et par ailleurs, tout à l'heure, je parlais du roman gothique. Or, c'est une des conventions d'écriture de ce genre romanesque que de multiplier les citations, en particulier en tête de chapitre. Et là encore, Aubert de Gaspéfis, très clairement, a lu de nombreux romans gothiques et il s'est amusé à imiter cette pratique en multipliant les citations à l'ouverture des chapitres. Parfois, on en trouve deux, trois, quatre, parfois même plus encore. Alors que, comme vous l'avez bien rappelé, c'est un roman très court, 14 chapitres qui comptent chacun à peu près 2000 mots. Donc, c'est vraiment un tout petit roman où, je dirais, les citations littéraires sont mises d'autant plus en évidence. Le roman est publié en 1837. En 1864, l'abbé Casgrain décide de rééditer l'influence d'un livre. Il lui donne d'ailleurs un nouveau titre, Le chercheur de trésors. On écoute à ce propos parce que cette édition-là va être vraiment très, très importante dans le souvenir qu'on gardera du roman de Gaspé. On écoute à ce propos-là, à propos de l'influence de l'abbé Casgrain, un extrait de l'émission Book Club qui date de 1980 et dans lequel extrait vous entendrez le professeur de littérature Alonzo Leblanc. L'abbé Casgrain a fait subir au texte original environ 200 modifications, soit corrections ou amputations, et il a publié en 1864 à Québec, chez Desbarats, en changeant le nom, en donnant ce nom de chercheur de trésors. Le nom initial était l'influence d'un livre. Alors, le Philippe Aubert de Gaspé, père, lui a donné une autorisation un peu ambiguë. Il semble qu'il aurait préféré le laisser tel quel. Vous savez, le fils était mort. Le fils est mort très jeune. Il a vécu de 1814 à 1841. Et c'est le père, donc, qui avait à prendre cette décision. Mais On peut regretter que, évidemment, que cette nouvelle édition soit celle de réédition Québec aussi, soit celle de l'abbé Casgrain, parce qu'on n'a pas le texte original. Alors, que dire du rôle qu'a joué l'abbé Casgrain dans la diffusion de ce roman de Gaspé, Claude La Charité, et de cette fameuse édition ou réédition de 1864? Alors, effectivement, pendant longtemps, on a lu l'influence d'un livre dans l'édition de l'abbé Casgrain. Oui. Mais depuis l'enregistrement de l'émission dont vous avez diffusé un extrait. Heureusement, il y a eu deux éditions qui se sont attachées à redonner le texte de l'édition originale de 1837, de sorte qu'aujourd'hui, très facilement, en librairie, on peut se procurer le texte tel que l'a rédigé Philippe Aubert de Gaspé, fils. Alors, cette injustice a en quelque sorte été réparée. Oui. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Casgrain, effectivement, est intervenu massivement. Contrairement, disons, à l'idée reçue, c'est pas forcément pour exercer une sorte de censure cléricale, comme on le dit souvent. L'abbé Casgrain, en réalité, avait un plus grand amour de la littérature que de la religion catholique, à mon humble avis. Mmh. Et en fait, ce qu'il cherche à faire, c'est de donner un caractère classique à cette œuvre. Non pas classique au sens de l'esthétique, comme je le disais au début de l'émission, mais classique au sens de ce qui s'enseigne en classe, qui est susceptible d'être lu par des lecteurs d'âge scolaire. Et toutes les interventions qu'il fait vont dans ce sens-là. Le chercheur de trésors, par exemple, c'est un titre qui parle beaucoup plus à l'imagination de jeunes lecteurs que l'influence d'un livre, par exemple. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va supprimer les nombreuses citations d'auteurs mises à l'index. Non pas pour exercer une censure, mais tout simplement parce que ça empêcherait la diffusion du roman de Philippe Aubert de Gaspé fils dans les années 1860. Et puis finalement, il intervient sur un certain nombre d'autres détails, par exemple dans le nom du meurtrier. Dans la version originale, on trouvait Lepage. Lui, il corrige et met plutôt Mareuil, tout simplement parce que le véritable assassin dans le fait historique dont s'est inspiré Aubert de Gaspé s'appelait de fait Marois ou Mareuil. Et puis, il y a une autre scène, une scène de baiser échangé entre Saint-Séran et la fille de Charlemagne, Amélie, qui a été supprimée, là encore, non pas par pudibonderie, je crois pas que l'abbé Casgrain était particulièrement pudibond, mais simplement pour que le roman puisse se lire en classe et qu'il puisse être lu par des lecteurs d'âge scolaire. On boucle la boucle. Je reviens à cet extrait qu'on entendait au tout début de l'émission où on parlait de la valeur, où on remettait en question, en fait, la valeur littéraire de l'influence d'un livre. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce roman vaut le détour pour les lecteurs, les lecteurs ordinaires qui nous écoutent, Claude La Charité? Absolument. À mon humble avis, c'est vraiment une œuvre qu'il faut lire, qu'il faut relire, à la fois parce que c'est intéressant, c'est un véritable roman d'aventure avec plein de rebondissements et de péripéties, qui est certes invraisemblable, mais beaucoup de romans d'aventure, de toute façon, le sont. Et c'est aussi un roman qui est une véritable invitation à la lecture, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de connaître d'avance toutes les nombreuses références de l'écrivain. Il suffit de se laisser porter. Ouais. Et dans certains cas, je suis convaincu qu'on va trouver des auteurs qui nous plaisent et qui vont nous donner envie d'aller plus loin. Alors, à mon humble avis, l'influence d'un livre, c'est un trésor littéraire. C'est un trésor de références et de lectures possibles et potentielles. Claude La Charité, comme toujours, c'était un bonheur de vous avoir à ce micro. Auteur, professeur de lettres et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire à l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.